بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence le cours aujourd'hui, le cours numéro 53 dans l'explication du livre عقيدة أهل السنة والجماعة de Cheikh صالح الفوزان Cheikh محمد بن صالح العثيمين رحمه الله avec les commentaires de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Il fait le commentaire de son propre livre. Donc, rahimahullah ta'ala. Ok, on a expliqué au dernier cours le verset 106 dans Surat An-Nahl, dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « وَلَكِمْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرَ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » Mais par contre, celui dont le cœur s'est ouvert à la mécréance, ou la poitrine s'est ouverte à la mécréance, alors ils auront une colère d'Allah et ils auront un châtiment immense. Et donc, le sujet de cette section, de cette partie du livre, c'est à propos des attributs d'Allah et des noms d'Allah. Et là, maintenant, on parlait en particulier de l'attribut de Al-Ghadab, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on expliquait la réfutation à la fin du dernier cours. On réfutait les Asha'ira, les Maturidiya et les Mubtadi'a qui nient les attributs d'Allah. Et en particulier ceux qui disent que Al-Ghadab, ça ne veut pas dire la colère, mais ça veut dire Al-Intiqam ou Iradatul Intiqam, le fait de vouloir se venger ou la vengeance. Et que le cheikh a expliqué pour répondre à ça que en réalité non, c'est la vengeance est le résultat de la colère. Et il a cité le verset falamma asafuna intaqamna minhum dans sourate az-zukhruf. Falamma asafuna intaqamna minhum, le verset 55 dans sourate az-zukhruf. Lorsqu'ils nous ont mis en colère, nous sommes vengés d'eux. Et donc il y a une différence entre la colère et la vengeance, et donc de vouloir interpréter l'une par l'autre, eh bien c'est une déformation de la réalité des sens et des significations des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ayant dit ça, maintenant le cheikh il pose une question. Ensuite il dit فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ هَلْ يُوصَفُ اللَّهُ بِالْحُزْنِ كَمَا يُوصَفُ بِالْغَضَبِ. C'est-à-dire, est-ce qu'on va décrire Allah subhanahu wa ta'ala par la tristesse de la même manière qu'on le décrit par la colère? Et le cheikh, il répond à ça, il dit فالجواب لا لا يوصف لا يوصف لأن الحزن دليل على الضعف والغضب دليل على القوة فالغضب صفة كمال في محله والحزن صفة نقص على كل حال لأن المحزون عاجز عن دفع ما نزل به والغضب دليل على أن الغاضب قادر على الانتقام ولهذا لا يجوز أن نصف الله بالحزن ويجب أن نصفه بالغضب حيث وصف نفسه تبارك وتعالى فيوصف الله تبارك وتعالى بالغضب الحقيقي حيث وصف نفسه ولا يوصف بالحزن لأنه نقص وهذا كقولنا إن الله يوصف بالخداع حيث كان الخداع كمالا ولا يوصف بالخيانة أبدا لأن الخيانة نقص والخداع قوة. Donc le cheikh il explique que non, on ne peut pas décrire Allah par la tristesse, parce que la tristesse c'est une indication de la faiblesse, tandis que la colère c'est une indication de la force. Et la colère c'est un attribut de perfection lorsqu'il est dans son contexte, tandis que la tristesse c'est un attribut de faiblesse, hein, dans tous les cas et dans toutes les situations. Et la chose, la personne qui est triste ou qui est attristée, elle est incapable de repousser ce qui lui est arrivé, tandis que la colère est une indication du fait que la personne qui est en colère, elle a la capacité de se venger Et donc on ne décrit pas Allah subhanahu wa ta'ala par la tristesse, et il est obligatoire de le décrire par la colère lorsque il s'est décrit lui-même comme étant en colère. Et donc puisque il s'est attribué cet attribut, eh bien on n'a pas d'autre choix que de l'affirmer. Tandis que la tristesse, il ne l'a pas utilisé comme attribut, il ne l'a pas mentionné comme une de ses, comme étant une de ses attributs. Et donc on doit décrire Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'il s'est décrit. Et il s'est décrit comme étant, comme ayant la colère, et c'est une colère réelle, hein, puisqu'il l'a utilisé, hein, il s'est décrit par cet attribut-là. Et par contre, la tristesse, c'est un attribut d'imperfection, et donc on ne le décrit pas par cela. Et de la même manière aussi, on pourrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est, yani, il est décrit par. Il dit إن الله يوصف بالخداع حيث كان الخداع كمالا ولا يوصف بالخيانة أبدا لأن الخيانة نقص والخداع قوة. Donc il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala, on peut le décrire par le fait qu'il trompe ceux qui trompent les croyants par exemple, ou qui trompent ceux qui cherchent à le tromper, comme le verset dans lequel il dit إن يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Donc إن وهو خادعهم. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وهو خادعهم. نعم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. C'est ça. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Donc on peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il trompe ceux qui cherchent à le tromper, ou à, qui cherchent à tromper les croyants. D'accord? Donc c'est une rétribution, c'est un attribut que Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné à lui-même, et c'est un attribut qui est dans le contexte de la rétribution, c'est-à-dire qu'il va tromper ceux qui cherchent à tromper. Tandis que la trahison, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut jamais être décrit par la trahison, puisque la trahison c'est une caractéristique de faiblesse et d'imperfection. Tandis que la tromperie c'est un attribut de force. Et il donne un exemple ensuite, il dit فَإِذَا مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ وَصْفٍ يَتَّصِفُ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ كَامِلُ الْأَكْمَلِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Donc le verset qui dit « وَهُوَ خَادِعُهُمْ » c'est le verset 142 dans Surat al-Nisa. Je n'avais pas mentionné la référence. Donc il dit le cheikh « وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَكْرِ وَالْخِدَاعِ وَالْاِسْتِهْزَاءِ وَالْكَيْدِ هَذَا فِي مَوْضِعِهِ هَذَا فِي مَوْضِعِهِ وَلِهَذَا لَا يُوصَفُ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ يُوصَفُ اللَّهُ بِهِ مُقَابَلَةً من العامل أو مقابلة من عام من عامل الله به مقابلة من عامل الله به يقول الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فيكون الله أشد مكرا منهم فهذه صفة كمال الآن ولله المثل الأعلى لو مكر بك عدوك وكنت أعظم منه مكرا هذا كمال ولهذا يقال الحرب خدعة أو الحرب خدعة وذكروا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد أن يبارزه عمرو بن ود والمبارزة إذا التقى الصفان بعضهم بعضا خرج من يبارز من أجل أن تنكسر قلوب المهزومين في المبارزة قبل ابتداء الحرب فمبارزة عمرو بن ود لما خرج عمرو بن ود من صفه صرخ علي بن أبي طالب ما خرجت لأبارز رجلين ما خرجت لأبارز رجلين فظن عمرو بن ود أن تبعه آخر من جنده فالتفت وإذا السيف برقبته فهذا مكر سبحان الله ولكن مكر محمود لأن عمرو بن ود ما خرج إلا ليقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Donc le cheikh il explique que on sait que Allah subhanahu wa ta'ala il s'est décrit par toutes les attributs qui sont les plus parfaites et que c'est à Allah qu'appartient le meilleur exemple et la plus belle comparaison. Donc la plus belle exemple, la plus belle analogie. Si par exemple tu dis le cheikh il explique, il dit en ce qui concerne la ruse, la tromperie, le fait de faire des complots, de comploter ou de se moquer, hein, ou de ruser, ça c'est dans son contexte. Et donc on n'a pas le droit de décrire Allah subhanahu wa ta'ala par ces attributs-là de façon absolue, mais on le décrit par ces attributs-là uniquement comme réciprocité et comme en retour. Hein, de la façon Allah subhanahu wa ta'ala va les traiter de cette façon-là en retour de leur propre comportement à eux, en retour de leur propre attitude. Donc il va ruser contre ceux qui rusent, il va se moquer de ceux qui se moquent, et ainsi de suite. Et il dit dans le verset 30 dans sourate Al-Anfal, et il ruse, hein, il complote, et Allah complote, et Allah est le meilleur des comploteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala complote plus que, hein, et un complot, son complot est plus parfait et plus grand que ceux qui complotent parmi les kuffars. Et ça, c'est une caractéristique de perfection. Et donc, quand il dit par exemple, et Allah, à lui appartient le plus bel exemple, que si quelqu'un par exemple parmi tes ennemis faisait un complot contre toi, wa alaykum salam wa rahmatullah, hein, si quelqu'un parmi tes ennemis faisait un complot contre toi, et que toi t'es capable de faire un complot plus grand que lui et plus, hein, plus parfait que lui, alors dans ce cas-là ça serait une perfection et non pas un défaut. Et on sait que la guerre c'est d'utiliser la ruse, hein. Dans la guerre on utilise la ruse, on utilise la stratégie pour essayer de tromper l'ennemi, pour essayer d'avoir la victoire. Et il mentionne une histoire par rapport à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Lorsqu'il a fait une mubaraza avec un des mushrikines qui s'appelait Amr ibn Wud. Et al-mubaraza, qu'est-ce que c'est? Al-mubaraza, c'est lorsque les deux rangs se font face dans la guerre. Donc avant que la guerre commence, les deux rangs se font face, le rang des croyants et le rang des mécréants. Ils sont face à face et ils sont prêts, ils attendent juste le commandement pour, hein, charger l'ennemi. Mais avant le début de la bataille, il y a toujours qu'est-ce qu'on appelle une mubaraza. Ça c'est une tradition chez les Arabes, que avant de combattre, il y a un qui sort de chaque côté, de chaque armée, un combattant qui sort de chaque armée et qui va affronter l'autre en un combat. Yani, disons un à un. Non, avec les épées. Oui, donc un qui sort des rangs des ennemis et l'autre qui sort du rang des croyants, et donc ils vont s'affronter, et c'est pour montrer en fait la force de l'armée, et pour montrer en même temps aussi que celui qui aura la défaite, eh bien ça va le briser déjà en partant, avant même que la bataille soit commencée. Oui, moralement. Donc, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ali ibn Abi Talib, il est sorti pour faire la mubaraza contre Amr ibn Wud, un parmi les mushrikins. Et il dit, ça brise le cœur de ceux qui ont eu la défaite dans cette mubaraza déjà avant même que la guerre commence. Alors, lorsque Amr ibn Wud est sorti pour affronter Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, il était, hein, intelligent et rusé, donc qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque l'autre est sorti des rangs pour aller affronter Ali, il a dit, moi je ne suis pas sorti pour affronter deux hommes. Alors Amr ibn Wud a pensé qu'un autre l'avait suivi. Alors il s'est tourné pour regarder derrière. Et puis Ali radiallahu anhu, il en a profité pour lui donner un bon coup déjà d'épée, il l'a tué déjà sur le coup. Donc c'est comme ça qu'il a gagné la Mubaraza par cette ruse-là. Hein. Il a dit, ah, mais moi je ne suis pas sorti pour me battre avec deux hommes. Alors l'autre s'est tourné. Il l'a frappé comme ça. Donc, yani, c'est pour dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-harbu khud'a. Hein? La guerre, c'est la ruse. Donc, il dit, wa qawluhu innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda. Bil muqabili, qalu innama nahnu mustahzi'un, Allahu yastahzi'u bihim. Yani, yastahzi'una bil iman billahi. Hein? يخادعون الله وهو خادعهم ولكن انظر إلى قوله تعالى أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ما قيل أنا أكيدهم لأنه لم يذكر من يكيدون به فهم يكيدون كيدا بالرسول صلى الله عليه وسلم فالذين كفروا هم المكيدون ولكن لم يقل أكيد بهم. Donc le cheikh il dit, regardez dans les versets, Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle de ces attributs-là, il en parle tout le temps comme rétribution pour leur comportement lorsqu'ils font des ruses, Allah ruse contre eux. Donc il agit avec eux comme eux ils le méritent par rapport à leur propre comportement. Puisqu'ils rusent contre les croyants, eux rusent contre les croyants, Allah ruse contre eux. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. Il ruse et moi je ruse. Et il mentionne l'autre verset dans lequel il dit إنما نحن للمنافقون il dit إنما نحن مستهزئون. On ne fait que se moquer. Et Allah il dit الله يستهزئ بهم. Allah il se moque d'eux. Allah سبحانه وتعالى se moque des منافقين. Pourquoi? Parce que eux se moquent des croyants. Alors Allah se moque d'eux aussi. Et parmi les exemples de ça, les ulama ils ont mentionné que au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va leur faire, comme disons, ils vont être avec la lumière, avec les croyants, ils vont avoir une lumière comme les croyants au début, puis Allah va leur enlever leur lumière. Alors ils vont dire, donnez-nous un peu de votre lumière, hein. Ils vont dire aux croyants, donnez-nous un peu de votre lumière parce que sur leurs mains et leurs pieds et leur visage, il y aura des lumières, de la lumière à cause des marques de wudu, hein, qu'ils ont fait dans la vie d'ici-bas quand ils ont fait la prière. Et le wudu, ils vont arriver au jour de la résurrection, ils vont avoir des lumières sur eux. Et quand ils vont traverser le pont, hein, eh bien, ils vont arriver avec leur lumière, les munafiqoun, ils vont avoir la lumière au début, puis Allah va leur enlever leur lumière, alors ils vont dire, passez-nous un peu de votre lumière. Hein? Ou bien ils vont dire, attendez, hein, qu'on aille rechercher de la lumière, nous aussi. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, non, c'est comme ça que vous avez essayer de tromper les croyants dans cette vie d'ici-bas. Mais, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le moment où ils s'attendaient le moins, Allah, hein, c'est là, à ce moment-là, que Allah leur enlève leur lumière. Donc, c'est pour dire, ils ont essayé de tromper Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il les trompe à ce moment-là aussi. Et donc, il y a beaucoup d'autres exemples aussi comme ça, d'exemples comment Allah subhanahu wa ta'ala se moque des munafiqin. Et il dit aussi par rapport à la tribu de Al-Khadi'a, hein, ou bien Al-Khida', comme on a dit, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ils essaient de tromper Allah alors que c'est Allah qui les trompe. Et regardez dans l'autre verset, le cheikh il dit dans le verset 42 dans Surat At-Tur, am yuriduna kayda falladhina kafaruhum al-makidun. Il dit, est-ce qu'ils veulent ruser, hein? Il dit, mais ceux qui ont mécru, ce sont eux contre qui on ruse. Mais il n'a pas mentionné ça disons, en disant « je ruse contre eux ». Il a dit « c'est eux contre qui on fait des ruses ». Mais il n'a pas mentionné le sujet. Qui fait l'action, hein? Pourquoi? Parce qu'ici, ce n'était pas mentionné dans le sens de réciprocité. Donc, ça peut être la ruse de quelqu'un d'autre aussi. Il dit, il n'a pas dit, Allah n'a pas dit, je ruse contre eux. Il n'a pas mentionné qui fait les ruses contre eux. Fahum yakiduna kaidan bil rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils font des ruses contre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Falladina kafaruhumul makidun. Donc, c'est eux en réalité que, contre qui on, les ruses seront faites. Mais il n'a pas dit, moi je vais ruser contre eux. Il dit, wa amma qawluhu wa huwa shadidul mihal. Fa inna hadhihi sifa laysat wasf al mihal. Bal wasf shiddatihi fi mahallihi. Yani, idha kana al mihal sifat kamal, fa huwa shadiduhu. Azza wa jal. Mithl qawlihi wa yamkuruna wa yamkuru Allah, wallahu khayrul makirin. وقوله قل الله أسرع مكرا فلا إشكال فيه لأن هذه صفة لصفة صفة لصفة يعني وشديد المحال فهو وصف للصفة المحال والمحال ذكرنا أنه صفة لا يوصف به عز وجل على الإطلاق نعم وهو شديد المحال. Donc le cheikh il explique, il dit, le verset 13 dans surat al-Ra'd, وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. Et il dispute au sujet d'Allah alors qu'il est redoutable en sa force. شَدِيدُ الْمِحَالِ. Et il dit ici que al-mihal c'est pas une attribut d'Allah, mais plutôt Allah il dit que c'est il décrit sa force comme étant dur dans cette force-là. Hein, dans cet attribut de Al-Mihal. Et il dit à propos du verset 30 dans Surat Al-Anfal, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Il dit ça, il n'y a pas de difficulté à comprendre, puisque yani c'est comme on a expliqué tout à l'heure, il ruse contre ceux qui méritent. Donc Allah est le meilleur de ceux qui rusent contre ceux qui méritent. Et وَقُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرَ. Et ça aussi, il est plus rapide en ruse, hein, et en complot. Ça c'est une attribut de l'attribut. أَسْرَع, أَسْرَع ça veut dire plus rapide. Et شَدِيد ça veut dire plus fort, plus sévère, plus dur. Hein. فَالْحَاصِلُ أَنَّ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي يَتَّصِفُ بِهَا مَا لَا يُوصَفُ بِهَا وَصْفًا مُطْلَقًا بل لا يوصف إلا مقيدا بالمقابلة حتى يتبين أن الله تعالى أعلى وأعظم من هؤلاء. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est qu'il y a des attributs que Allah s'est donné, que on ne décrit pas Allah par ces attributs-là de façon absolue, mais on le décrit uniquement dans le sens que c'est par rétribution de sa part pour ceux qui ont mérité cette rétribution là comme par exemple al-makr, al-kaid, al-istihza ou al-khida', on a donné des exemples de ça. C'est comme par exemple, tu vas pas dire Allah est le comploteur, Allah est le ruseur, tu vois, parce que tu peux dire Allah est celui qui complote contre ceux qui complotent, ou il se moque de ceux qui se moquent. Mais tu ne peux pas dire qu'il est le moqueur, par exemple. D'accord? Donc c'est seulement un attribut, c'est pas un attribut qui est utilisé de façon absolue, c'est un attribut qui vient pour montrer la rétribution. Oui, c'est comme pour répondre à ceux qui ont mérité cet attribut-là, cette rétribution-là. Il dit ونؤمن بأن الله تعالى ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Donc il dit, nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala est décrit comme ayant un visage et que son visage il est décrit, ou il est son visage, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est décrit, attendez juste un instant, oui c'est ça, dans le verset 27 dans sourate Ar-Rahman, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est décrit comme étant plein de majesté et de noblesse. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et seul subsistera le visage de ton Seigneur, et le visage de ton Seigneur, il le décrit comme étant plein de majesté et de noblesse. Donc, le Cheikh, il explique ce passage-là, ou ce verset-là dans le Coran. Il dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلَّهِ وَجْهًا مَوْصُوفًا بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَوَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ وَلَكِنْ هَلْ هُوَ صِفَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ أَوْ صِفَةٌ فِعْلِيَّةٌ أَوْ صِفَةٌ خَبَرِيَّةٌ فَالْجَوَابُ أنه صفة خبرية وليس صفة معنوية ولا فعلية والضابط في الصفات الخبرية المحض ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يعني من صفات الله ما مسماه أبعاد لنا وأجزاء لنا فالوجه مسماه بالنسبة لنا بعض واليد بعض وهذه صفات خبرية محضة والعقل لا يدركها ولولا أن الله أخبرنا عنها ما علمنا بها وليست معنوية أيضا حتى بعد أن أخبرنا الله بها بل هي صفة نظير مسماها أجزاء وأبعاد وهذا هو الفرق بين قولنا وقول من يقول المراد بالوجه الثواب وقالوا إن قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي ثوابه فحملوا الثواب ما لا يحتمل فهو الثواب فهل الثواب موصوف بالجلال والإكرام أبدا لا يستحق هذا الوصف إلا وجه الله عز وجل سبحان الله. Donc des fois tu lis des explications des à propos des paroles des gens de bid'a, et puis tu dis mais comment les gens peuvent dire des choses aussi insensées. Hein, parce que les gens de Bid'ah, ils ont toujours essayé de déformer le sens des attributs d'Allah. Mais ils donnent comme interprétation des choses qui contredisent clairement le sens des textes. Donc quand tu entends ça, vous allez voir qu'on va arriver là, je vais vous l'expliquer. Donc il dit, le cheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. » Donc le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une de ses attributs. Hein? Et est-ce que c'est une attribut qu'on dit ma'nawiyya ou bien fi'liya ou khabariya? On a expliqué déjà les différentes catégories reliées aux attributs. Une sifa qui est ma'nawiyya, c'est des attributs abstraites. Hein? Une sifa qui est fi'liya, c'est une attribut qui est reliée aux actions. Hein? Les gestes, les actions. Comme par exemple, yani le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'élève sur le trône, la colère, l'amour, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il crée, ça c'est des attributs d'action. Les attributs abstraits, disons comme on dit la science, l'ouïe, la vue, c'est pas des choses, c'est des choses abstraites, hein. Mais par contre, il y a des attributs qui sont des attributs de son être, sifatuzat, et qui sont des attributs khabariya. Khabariya, ça veut dire qu'on peut seulement les connaître parce que Allah nous a donné l'information à leur sujet. Si Allah ne nous avait pas dit, qu'il avait cet attribut-là, on n'aurait pas su. Hein? Parce que ce n'est pas des choses qui peuvent être connues par la raison. D'accord ? Donc on les appelle sifat al-khabar, sifat al-khabariya. Et il dit le cheikh que sifat al-khabariya, hein, c'est pas des attributs ma'nawiya ou fa'liya. Donc il dit la règle c'est quoi? C'est que si une attribut, pour qu'une attribut soit une attribut qu'on appelle khabariya, c'est des attributs que Allah subhanahu wa ta'ala s'est mentionné. Tu peux pas savoir que Allah a cet attribut-là sauf par les textes. Et sauf parce que Allah te l'a mentionné dans les textes. Sinon, tu pourrais pas le savoir. Donc, c'est les attributs qu'on appelle khabariya. Comme par exemple, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage, qu'il a des mains, qu'il a des pieds, ou bien qu'il a, des yeux. Donc ça c'est des attributs que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans la révélation. S'il nous l'avait pas dit, on ne pourrait pas le savoir, hein. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, comme le Cheikh il l'a cité, il dit que en ce qui nous concerne, nous les êtres humains, quand on mentionne ces choses-là pour nous, mains, visage, yeux, c'est des parties de notre corps. On dit que c'est des parties pour nous. Mais lorsqu'on parle d'Allah, on ne dit pas que c'est des parties, on dit que c'est des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et il dit ensuite, donc c'est ça, tandis que les gens de Bid'a, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Que le visage d'Allah, c'est, comment ils l'ont interprété? Ils disent que c'est la récompense. Le visage d'Allah, ils l'interprètent par la récompense. Et il dit le cheikh, yani kullu man alayha fan, tout ce qui existe, yani sera anéanti, il restera plus rien sauf le visage de ton Seigneur, plein de noblesse, plein de majesté et de noblesse. Donc si on le lit selon l'interprétation de ces gens-là, ça voudrait dire et il restera la récompense de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse, ça ne fait pas de sens. Hein? Tu ne peux pas décrire la récompense comme étant plein de majesté et de noblesse. Hein? C'est le visage d'Allah qui est plein de majesté et de noblesse, et non pas la récompense. Ça ne fait pas de sens de dire ça. Et donc c'est pour ça que ils ont donné au visage d'Allah une interprétation qui n'est pas supportée par le sens. Et qui ne mérite pas non plus cette description-là, al-jalal wal-ikram. إذن نؤمن بأن لله وجها حقيقيا وليس ولكن لو سئلنا عن كيفيته نقول الله أعلم. Il dit donc on doit croire que Allah il a un visage réel. Allah il a un visage réel. Mais si on nous pose la question, mais comment il est le visage d'Allah? On dit, Allahu A'lam. C'est Allah qui sait, on ne sait pas comment. J'étais étonné de regarder, puis je regarde Hakim, et je trouve qu'il y a une ressemblance entre vos visages. Hein? Vous ne trouvez pas? Tu ne trouves pas? Tu ne trouves pas qu'il y a une ressemblance? Hein? Tourne-toi vers lui, comme il faut. Non, mais ça ne dérange pas, c'est le teint. Non, le visage exactement le même. C'est comme si je vois deux jumeaux là devant moi. Eh, mashallah. Non, mais en tout cas, des fois je vois des ressemblances comme ça entre les gens, je suis choqué là. Bon, alhamdoulillah. وَلَا يَحِلُّ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا إِطْلَاقًا بل نقول له وجه يليق بجلاله وعظمته ونؤمن به لأن الله تعالى أخبرنا عنه ووصف به نفسه ولكننا لا نتعرض لكيفيته لأنه لا إحاطة لنا بذلك. Donc le cheikh il dit, donc si on nous demande comment est le visage d'Allah, on dit on ne sait pas. Hein? Il n'est pas permis même pour nous de parler de ça du tout, du comment des attributs d'Allah ou comment il est son visage. La seule chose, le cheikh dit, on dit il a un visage qui convient à sa majesté et à sa grandeur, et nous croyons en cela comme il nous en a parlé, comme il nous l'a mentionné dans la révélation et comme il s'est décrit lui-même. Mais on n'a pas le droit de rentrer ou de toucher ou de discuter ou de parler au sujet du commun, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas cerner, on n'est pas capable de le savoir, d'accord. Et on n'essaie pas non plus d'imaginer non plus, parce que souvent c'est ça qui a fait tomber beaucoup de gens dans la bid'a, parce que quand ils voient ou ils entendent plutôt les attributs d'Allah dans le Coran ou dans les hadiths, ils commencent à essayer d'imaginer comment il est Allah, comment il est son visage, et ils se font une image dans leur esprit. Puis par la suite, ils disent « Ah, mais ça, c'est une image que j'ai dans ma tête, ça ressemble à une créature, donc il faut que je nie cet attribut-là parce que ça, c'est pour nier la ressemblance. » La ressemblance, cette ressemblance que tu as imaginée dans ta tête, c'est juste dans ta tête qu'elle existe. Hein? Oui, c'est ça. Et tu peux te dire que tout ce que tu es capable d'imaginer, ce n'est pas Allah. Parce que Allah, il te dépasse, hein, il dépasse notre entendement, notre imagination, notre raison, et donc on peut pas même savoir de quoi il a l'air ou comme, à quoi il ressemble, parce que personne l'a, hein, on l'a pas jamais vu, on n'a jamais vu Allah, mais on va le voir au jour de la résurrection et dans le paradis, il y a la récompense des croyants, c'est de voir Allah, subhanahu wa taala. Et on a déjà parlé de cette question-là dans les cours précédents. Et Allah, il le dit dans le Coran, « Wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira » Les visages ce jour-là, ils seront éclatants, éblouissants, regardant leur Seigneur. Donc, ça c'est la preuve que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, il explique وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام من الله للناس ومن الناس له ففيها الوجهان فهو يكرم لعباده المطيعين له بالثواب وهو مكرم من عباده الذين يتلذذون أو يتذللون pardon يتذللون له ويعبدونه ويعبدونه فالإكرام هنا مصدر صالح لأن يقع من الله لمن يستحق الإكرام أو من العباد لله عز وجل وهو أهل للإكرام. Donc ici le cheikh il explique la signification des deux termes al-jalal wa al-ikram. Il explique que dhul jalal, al-jalal ça veut dire la majesté, la grandeur, et al-ikram ça veut dire yani soit la générosité du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est généreux et qu'il récompense ses serviteurs, ou bien al-mukram, celui qui est respecté et qu'on honore, qu'on respecte, parce qu'il est honoré de la part de ses serviteurs puisqu'il s'humilie à lui. Il l'adore, il se soumet à lui. Donc, il est honoré par ses serviteurs. وَمَصْدَرٌ صَالِحٌ لِأَنْ يَقَعْ. Donc, ça peut être la majesté venant dans, la noblesse venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait qu'il est honoré par ses serviteurs aussi. Et la générosité aussi est comprise dans le sens de al-ikram. Donc, il dit ensuite, فإن قال قائل في آية أخرى في سورة الرحمن قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام فلماذا قال ذي الجلال وفي قوله ويبقى رب وجه ربك ذو الجلال فقال ذو الجلال والإكرام فقلنا أما قوله ذي الجلال والإكرام فالوصف للرب تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام نعم وأما قوله ذو الجلال والإكرام فالوصف للوجه لا للرب تبارك وتعالى فتبين بهذا أن الوصف صفة حقيقية قائمة ولهذا لما جاءت كلمة اسم وهي ليست من صفات الله صار النعت للمضاف إليه وهو ربك. Donc ici il explique un point grammatical. Il y a un autre verset dans le verset dans sourate Ar-Rahman dans lequel Allah il dit Tabarak asmu rabbika dhul jalali wal ikram. Et ici on voit que zi il est majrour. Il est majrour. Donc il y a une kasra et un ya. Tandis que dans l'autre verset wa yabqa wajhu rabbika dhu al jalali wal ikram. Donc ici il est marfou par la dhamma avec le waw. Parce que ça fait partie de l'asma al-khamsa. Donc, maintenant, pourquoi un il est majrour et l'autre il est marfour? Et il explique le cheikh que parce que le premier, tabarak asmu rabbika, il suit rabbika. Il est mudaf ilayhi, donc il est majrour ici. Donc c'est Allah qui est décrit comme ayant la majesté et la noblesse dans le verset 78. Tandis que dans l'autre verset, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, c'est waj, il suit waj, wajhu, il est marfou, parce que c'est le visage d'Allah qui reste, qui demeure. Et donc, étant donné qu'il est marfou, eh bien, ذُو, il est marfou aussi. Et donc ici c'est le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est décrit ayant de la majesté et de la noblesse. Et donc on comprend de ça, le cheikh il dit que ça veut dire que le visage d'Allah c'est une de ses attributs réels. Une de ses attributs réels et qui est affirmée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ça. Dans la première il dit wa ism wa tabarak ismu rabbika. Donc il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ismun lamma ja'at kalimatu ism wa hiya laysat min sifatillah. Donc le mot ism c'est pas une des attributs d'Allah, et donc c'est pour ça que ici la liaison est faite avec rabbika, et non pas avec ism. Donc pour expliquer ça, c'est un point grammatical. Des fois quand on traduit ça, ça n'a pas vraiment une grande signification pour quelqu'un qui est pas arabophone, mais c'est pas grave. Après le cheikh dit wa fa'ida qala ba'd as-salaf idha qara'ta qawluhu ta'ala kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fasil al-aya ba'daha wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fataqulu kullu man 'alayha fan wa yabqa كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول صل الآية ويبقى وجه ربك بالآية التي قبلها حتى يتبين لك كمال الله عز وجل أن كل من عليها أي على البسيطة فان وأما الله فلا وهذا حق. Donc il dit que certains parmi les salafs, ils ont dit que lorsque tu récites le verset 26 et 27, de les relier ensemble, de ne pas les séparer, pour qu'on voit la perfection d'Allah et la grandeur d'Allah. Puisque le verset dit « Kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram » C'est-à-dire tout ce qui est dessus, c'est-à-dire sur la terre, va être anéanti, va disparaître, excepté le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Tout va être détruit, excepté Allah subhanahu wa ta'ala qui va rester. Il dit, وَقَوْلُهُ وَنُؤْمِنُوا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِأَنَّ لِلَّهِ يَدَانِ وَنُؤْمِنُوا بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى يَدَيْنِ كَرِيمَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc le cheikh il dit maintenant que nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux mains deux mains nobles et immenses. Et il cite les versets dans Surat al-Ma'ida, le verset 64. Certes, ses deux mains sont grandes ouvertes, il dépense comme il veut, hein, de ses biens, de ses richesses. Et il cite également le verset 67 dans Surat al-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite. Hein? Et il dit que la terre, il en fera une poignée au jour de la résurrection, et les cieux, il les pliera dans sa main droite. Hein? Gloire à Allah de ce qu'il lui associe, ou purification à Allah de ce qu'il lui associe. C'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va. L'univers est tellement petit à côté de, par rapport à lui, que même la terre, il la prend dans sa main et il plie les cieux dans sa main droite. Donc ça, c'est l'affirmation de la main d'Allah, qu'il a deux mains. Et donc ça fait partie de ses attributs. Le Cheikh dit: wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala yadayni كريمتين عظيمتين يدين هذه تثنية وكريمتين يعني وصفهما بالكرم عظيمتين وصفهما بالعظمة ولا بد لكل واحد من هذه الأوصاف من دليل. Donc il dit que Allah, il a deux mains qui sont nobles, généreuses, on peut dire aussi, et qui sont grandes, immenses. Et il dit ces descriptions-là méritent une preuve, et il cite les versets à ce sujet-là. Le verset 64 dans Surat al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ses mains au duel, c'est-à-dire avec le duel en arabe, c'est entre le singulier et le pluriel. Ça n'existe pas en français. En français, il y a le singulier et le pluriel. En arabe, il y a le singulier, le duel et le pluriel. Donc le deux est utilisé ici dans ce verset-là. Bal yadahu, yadahu. Hein? Ça fait partie de musanna, hein? Le duel. Et il décrit les mains comme étant mabsoutatan. Mabsoutatan, c'est-à-dire elles sont grandes ouvertes. Et c'est en réponse à la parole des Juifs qui accusaient Allah d'avoir la main fermée. C'est-à-dire, ils l'accusent d'être avare. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répond dans ce verset-là en leur disant: bal yadahu mabsoutatan yunfiqu kayfa yasha. Non, ses deux mains sont grandes ouvertes. Hein, il donne comme il veut. Et comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi à ce sujet-là, yadullahi mal'a sahaa al-layl wan-nahar. Yani, c'est-à-dire il donne énormément, jour et nuit. Dans l'autre verset, il mentionne aussi au duel, dans le verset 75 dans sourate Sad: wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il parle à Iblis? Il lui dit: qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? En parlant de Adam alayhi salam. Donc il mentionne le duel ici, biyadayya, hein, mes deux mains. Donc ça, c'est la preuve, parmi les preuves. Et il y en a beaucoup d'autres. On n'a pas le temps de rentrer dans plus de détails. Ali, salam alaykoum. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et au prochain cours on continuera l'explication de cet attribut d'Allah, c'est-à-dire l'attribut des mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on s'arrête pour la salat. Est-ce qu'on a dépassé l'heure? Non, c'est 45, c'est bon. Ouais.